je contemplais l'œuvre par une nuit d'août. Une pluie funèbre martelait les vitres du laboratoire. Sous la lumière blafarde des néons, je tressaillis tout à coup. J'aperçus 8 rayons qui commençaient à se mouvoir. Lentement d'abord. Puis, j'entendis une respiration pénible. Le cœur battait. Enfin.